Bonjour à tous et bienvenue pour le 13e podcast footballride.com spécial Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, programme simple, avant-match des deux rencontres de samedi, les deux derniers quarts de finale. Tout d'abord le premier, le gros choc entre l'Argentine et l'Allemagne, une revanche de 2006, une revanche surtout de Maradona après Mexique 90. Et le dernier quart de finale, ce sera entre l'Espagne et le Paraguay, l'Espagne qui part largement favorite, les Espagnols qui sont, on le rappelle, les champions d'Europe en titre. Et aujourd'hui, on parlera foot avec Baptiste de journalsport.wordpress.com qui est, comme tous les jours, à chaque podcast avec nous. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Arnaud, salut à tous. Et aujourd'hui, notre deuxième intervenant, c'est Arnaud du site footballdatabase.eu qui vient nous rendre une deuxième visite sur ce podcast Football Ride spécial Coupe du Monde. On se souvient, il avait été là lors du premier podcast concernant la Coupe du Monde. Salut Arnaud et re-bienvenue alors. Salut tout le monde. Et merci de me recevoir à nouveau pour ce podcast. Alors, on va commencer tous les deux avec un avant-match d'Argentine-Allemagne. Donc, on peut presque qualifier ce match de double revanche, en fait, pour les Argentins. D'une part, du côté de Maradona, qui veut quand même prendre une revanche après la finale perdue face aux mêmes Allemands en 90. Une revanche aussi qu'il a presque déjà gagnée, quand on voit ce que produisait comme jeu l'Argentine durant les éliminatoires et où elle en est aujourd'hui. Et enfin, une revanche pour les Argentins. De 2006, où on se souvient, l'Allemagne avait éliminé les Argentins au même stade de la compétition, au tir au but, 4 tirs au but à 2. D'après vous, à quoi il faut s'attendre à ce match? Est-ce que vous voyez plus un match très ouvert, où il y aura beaucoup d'occasions, ou un match plutôt fermé au milieu de terrain, par exemple? Je commence alors. Donc ouais, je pense que ça serait un match plutôt ouvert quand même, de mon côté, étant donné que c'est quand même deux équipes joueuses. Surtout l'Allemagne, qui a quand même montré pas mal de jeux depuis le début de la compétition. Du côté de l'Argentine, ça joue peut-être un petit peu moins, mais ça joue beaucoup par à-coup. Et je pense qu'il risque d'y avoir pas mal d'espace du fait que les Allemands jouent justement leur jeu à fond et essayent de gagner les espaces et de faire du jeu tout simplement. Donc moi, je vois un match assez ouvert avec beaucoup de buts. Et c'est ouais, parce que c'est justement ces deux équipes qui marquent beaucoup de buts, notamment l'Allemagne contre l'Angleterre. Exactement, c'est les deux meilleures attaques du tournoi jusqu'à présent. Donc il y a des chances qu'il y ait effectivement beaucoup de buts, même si les deux équipes n'ont encaissé que deux buts chacune depuis le début. Bah dis, tu t'attends à ce même genre de match? C'est les deux meilleures attaques, mais l'Argentine a eu des adversaires que je pense de niveau plus facile que ce qu'a eu l'Allemagne, surtout au niveau du huitième de finale où bon, le Mexique il pouvait créer la surprise, mais bon, ça restait quand même assez réaliste. Par contre, Allemagne et Angleterre, même si on peut dire que l'Angleterre était fragile et faible, je trouve qu'ils ont bien maîtrisé leur sujet, que contre la Serbie c'était pas facile, même s'ils perdent ils s'en sortent, je dirais, pas trop mal. Contre le Ghana pareil, donc c'est peut-être un parcours plus facile pour l'Argentine, et c'est peut-être enfin le gros test pour Diego Maradona. Donc effectivement, Baptiste, on parlait de la même chose hier avec le podcast concernant Brésil-Pays-Bas. On disait que le Brésil avait déjà dans la compétition été confronté à de grosses équipes comme la Côte d'Ivoire et le Portugal dans le groupe de la mort en phase de poule dans ses premiers matchs, etc. Alors que l'Argentine n'a toujours pas été confrontée à de grosses équipes, un peu quand même peut-être en 8e de finale face au Mexique, qui est quand même une équipe assez bonne, mais bon. En phase de poule, ils n'ont eu aucun souci à l'extérieur de cette poule, donc aucun problème. Ça peut jouer en sa défaveur. L'Argentine a rencontré le Nigeria, qui a été complètement à côté de la plaque, et on a vu ce qui se passe même en ce moment au pays. La Grèce, c'était un fantôme, et je dirais que la Corée du Sud, c'était la meilleure équipe après avec l'Argentine dans ce groupe. Et c'était celle que je pensais qui pouvait vraiment inquiéter les Argentins, en fait, ça n'a pas été vraiment le cas. Après, le Mexique, ouais, c'était plutôt facile. Là, c'est en même temps, c'est le quart de finale, donc heureusement qu'ils ont enfin un adversaire de taille. Mais là, ça peut... Je peux pas vraiment me prononcer sur ce match à cause de ça, justement. Je pense qu'il faut quand même relativiser le fait que... Enfin, tu dis que le Mexique, c'est pas une grosse équipe. Ils ont quand même une très, très bonne équipe, notamment, ils ont... Javier Hernandez, qui est à mon avis un des futurs meilleurs attaquants du monde. En défense, c'est quand même assez costaud. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts la compétition. Au niveau du... Enfin, c'était quand même démesuré, quoi. Le Mexique, c'est... Oui, mais c'est démesuré parce que l'Argentine a une super équipe. Et ça a rendu le match démesuré. Mais en soi, si on avait assisté à un Allemagne-Argentine, je pense que ça aurait été peut-être encore plus serré que ça ne l'a été. Donc toi, Arnaud, tu penses que ça va moyennement jouer à leur défaveur, en fait, le fait de ne pas encore avoir rencontré d'équipes, peut-être pas de gros calibre, mais d'équipes très en vue à chaque compétition internationale, comme l'Allemagne, par exemple. Ouais, bah, je pense que enfin, le Mexique, c'est quand même une équipe assez costaude. Ils sont toujours présents en huitième de finale tous les quatre ans. Et sur le plan continental, ils sont toujours dans les deux premiers avec les États-Unis, même s'il n'y a pas forcément énormément de concurrence en Amérique du Nord. C'est vraiment une équipe hyper constante, le Mexique. Et pour moi, c'est pas du tout une équipe plus faible que l'Angleterre qui a affronté l'Allemagne, par exemple, où il y avait trois zombies sur le terrain qui s'appelaient Rooney, Lampard et Gerrard. Voilà, après, c'est aussi au niveau de la renommée. Le Mexique arrive. Ah oui, la renommée, oui. Mais un cycle qui va devenir, à mon avis, dans 4 ans, une des grandes équipes du monde. Le Mexique, ça, j'en suis persuadé. Mais quand tu rencontres l'Angleterre, tout de suite, c'était le choc Allemagne-Angleterre et ça a quand même tenu ses promesses dans le sens où il y a eu un match. Mais dans la pratique, l'Angleterre n'a pas fait un meilleur match que le Mexique. Non. Oui, c'est sûr. Comme on sait d'ailleurs, ils n'ont pas su relever la tête en deuxième mi-temps malgré l'erreur d'arbitrage. Il y a eu des circonstances dans les deux matchs qui ont fait aussi que l'Allemagne et l'Argentine sont passées. Vous parlez notamment du but sur hors-jeu, le premier but de Tevez. Voilà, ouais, par exemple. Bah oui, c'est sûr que ça change tout le match. Hein. Et pareil pour l'Allemagne, si l'Angleterre revient à deux partout. Même si on ne peut pas vraiment s'avancer sur ce qui se serait passé, je pense que le Mexique aurait peut-être quand même encaissé le premier but puisqu'ils étaient un peu sur le couloir pour les 20 premières minutes, mais bon, c'est dommage. Ils n'ont peut-être pas encaissé le deuxième. Voilà. Donc encore des grosses erreurs d'arbitrage à ce niveau de la compétition, ce qui est assez déplorable et ce qui est un des points négatifs d'ailleurs de cette Coupe du Monde 2010. Au niveau des deux entraîneurs, quand même, ça va être un choc assez spécial parce que c'est Maradona, un symbole, une figure emblématique en Argentine face à l'eau, qui est un entraîneur pas très connu, même si voilà, ça fait presque 2 ans qu'il est au poste en Allemagne, qu'il a amené la Mannschaft en finale de l'Euro 2008 d'ailleurs, perdu d'ailleurs face à l'Espagne, mais qui fait pas quand même totalement l'unanimité en Allemagne. Est-ce que vous pensez que le match peut se remporter sur le banc, par exemple? Ah, là, pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que Lowe, il a vraiment tout un peuple derrière lui. Tout le monde vante, en Allemagne, tout le monde vante un petit peu ses mérites et la qualité de son coaching. Donc, je pense que c'est une grosse différence aussi avec l'Argentine, à savoir que l'Argentine se base sur un homme, donc Maradona, qui est la figure emblématique un peu de l'Argentine, qui est un véritable gourou dans son pays. Et on s'intéresse pas forcément à ses choix tactiques, on s'intéresse plus à l'homme. C'est un peu l'inverse c'est l'inverse en même temps que la même chose que José Mourinho, c'est-à-dire qu'il accapare toute l'attention et du coup ça allège la pression pour ses joueurs. Lowe, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que lui il est pas très connu, pas très forcément emblématique ou charismatique. Et mais en même temps, c'est un très bon coach et il fait du très bon boulot, ce qui lui permet d'être bien vu par la presse. Et par même l'ensemble des Allemands, quoi. Mais Lowe, il n'a pas... Enfin, moi, ce que... Avant le Mondial, il n'était pas trop supporté par... Ouais. Oui, depuis que ça a commencé, il n'y a plus... Il a démontré qu'en prenant des jeunes joueurs, il arrive à faire quelque chose de très costaud. Maintenant, moi, sur les deux, je ne suis pas persuadé par le talent de Maradona à diriger une équipe. Je pense qu'il se repose, comme vous l'avez dit, sur sa personnalité, puisqu'il c'est un dieu en Argentine. Il en a profité pour devenir le sélectionneur de l'Argentine, pour aussi, pendant les conférences de presse, faire une comédie et une pièce de théâtre à lui tout seul. Ça allège la pression de ses joueurs, oui et non, parce que c'est des joueurs qui sont habitués aussi à avoir de la pression, et je pense que... Ils n'ont pas l'air très stressés, et l'Allemagne non plus, d'ailleurs. Oui, mais c'est la méthode Mourinho. C'est la méthode Mourinho. C'est je fais le spectacle en conférence de presse accaparer. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment aussi comme but d'accaparer l'attention. Il aime l'attention. C'est un gars qui a toujours aimé qu'on regarde ce qu'il fait, de faire le pitre devant les gens et marquer l'histoire. Mais Mourinho, peut-être pas le même entraîneur que Maradona, parce qu'il a plus fait ses preuves en tant qu'entraîneur que Maradona bien sûr, pour l'instant. Bien sûr. Tactiquement, il y a pas photo entre les deux quoi. La différence, c'est que Maradona, il a quand même une génération de folie avec des joueurs hyper talentueux. Probablement, il y a plusieurs joueurs qui sont les meilleurs à leur poste au monde. Donc, forcément, ça aide. Et même si c'est pas un génie tactique, Le fait que ça, qu'il ait une aura fabuleuse, tant dans son pays que parmi ses joueurs, parce que ses joueurs l'adorent, je pense que ça aide beaucoup à la cohésion du groupe et au fait que les joueurs se transcendent sur le terrain. Bah, c'est sûr qu'il doit se faire écouter fortement. Il doit y avoir... Enfin... Oui, ah oui, je pense que c'est pas Domenech. Hein. Et les joueurs, surtout, ne remettent sûrement pas en cause ses choix et ses décisions. Si vous avez vu la vidéo sur Internet qui a traîné, où ils montraient l'entraînement, ce qui se passe à l'entraînement avec Maradona, ils font des oppositions donc, entre deux groupes, et celui qui perd doit se mettre bricage, et le groupe qui a gagné doit tirer avec des ballons sur le groupe. Mais c'est tout son bon enfant, et ça, que est très bien, et que Maradona, bah, l'entraînement, il est comme un gamin, il s'éclate. Ouais, bah c'est donc, même on voit la façon dont il explose de joie quand l'Argentine par exemple a gagné face en match. Oui, et on voit aussi comment les joueurs se jettent sur lui quand il marque un but pour le remercier et pour partager leur joie avec lui. Donc il est vraiment aimé de son groupe et je pense qu'il aime aussi son groupe et du coup ça donne ça permet une cohésion, en fait. Cohésion assez importante, quoi. Peut-être que cette cohésion a eu du mal à se faire aux éliminatoires parce que quand tu es entraîné par Maradona, c'est un peu, à mon avis, pour chaque joueur c'est leur idole, et quand tu es entraîné par ton idole, t'oses pas vraiment aller lui parler. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que les joueurs, la plupart jouent en Europe et ils se tapent 20 heures d'avion chaque fois qu'ils doivent jouer, donc c'est forcément ils sont pas aussi frais qu'ils le pourraient ou qu'ils le sont là pour la Coupe du Monde où ils ont vécu un mois ensemble. Et justement, alors quand tu dis que quasiment tous les joueurs argentins jouent en Europe, et donc à part Vérone et tu me rappelles Kierno qui joue en Argentine. Otamendi. Voilà. À part deux joueurs, ils jouent tous en Europe et aucun au pays en Argentine. Alors qu'en Allemagne, ils jouent tous en Bundesliga, donc tous en Allemagne. Est-ce que vous pensez que ce caractère peut jouer? Le fait que les joueurs se connaissent par exemple très bien en Allemagne et peut-être un peu moins bien en Argentine? Non, ça joue pas énormément. Si on se rappelle un peu de l'équipe de France au début des années 2000, il n'y avait aucun joueur qui jouait en France, quasiment que des joueurs qui évoluaient à l'étranger, et ça ne les empêchait pas de bien jouer ensemble. Donc je pense que la dynamique de groupe se crée véritablement un mois avant la compétition, au moment où ils se regroupent pour la préparer, et à ce moment-là, peu importe d'où ils viennent, ils parlent tous la même langue, ils travaillent tous dans le même sens pour leur pays, donc je pense que ça joue pas énormément. Je pense que ça a aidé pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, le fait qu'il y ait des petits jeunes qui jouent dans le même championnat, la Bundesliga, ça les a aidés parce qu'ils savaient à peu près le football qu'ils allaient pratiquer, puisque le football allemand ressemble à ce qu'on peut voir en Bundesliga. Donc ça a pu aider des petits jeunes, parce que c'est vraiment une sélection allemande, je crois, de 20 ans. La moyenne d'âge doit être en dessous de 23 ans. Non, 25 la moyenne d'âge. Mais oui, parce qu'en plus, l'Allemagne, c'est une équipe qui est composée quasiment par tous les cadres du Bayern et tous les cadres du Werder, donc... C'est vrai que c'est... Mais en même temps, il y a quand même des mélanges, parce que tu as Podolski qui n'est pas... Oui, Podolski, par exemple, qui est très bon en équipe nationale et qui est moyen à la Cologne en Allemagne, mais c'est vrai, oui. Voilà. Donc, oui, c'est... Il y a des différences, mais le fait qu'ils soient dans le même championnat, je pense que ça les a aidés, surtout quand on est jeune, qu'on arrive en sélection, on ne sait pas forcément comment jouer, et on voit que Ozil n'a pas eu beaucoup de sélection juste avant. Là, il est mis directement dans le groupe, et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien si on regarde ses performances juste avant. Là, c'est un des choix. Il faut dire qu'il est quand même très talentueux, ça aide aussi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Baptiste et moi, on va vous sortir bientôt un article sur ce jeune milieu de terrain offensif du Werder. Pour terminer, un pronostic sur ce match, qui vous voyez passer et donc rejoindre le vainqueur d'Espagne, Paraguay, sûrement l'Espagne, on en parlera plus tard, donc en demi-finale de cette Coupe du Monde. Moi, je pense que ça va être très serré, mais je pense qu'il y aura beaucoup de buts, mais à mon avis, je donnerai un petit avantage à l'Argentine quand même. Moi, j'aime beaucoup l'Allemagne et je trouve qu'il y a plus de... J'aimerais surtout voir une équipe européenne en finale, parce que j'ai l'impression que ça va nous faire un Argentine-Brésil et que ce serait un peu dommage pour nous, Européens. Je vais dire l'Allemagne, mais je ne serais pas du tout étonné de voir l'Argentine gagner. Je dirais aussi l'Allemagne, même si c'est vrai que l'Argentine, sur ce qu'elle a montré, pourrait très bien gagner. Et c'est vrai, comme le dit Arnaud, ça va être une opposition... assez serré, parce qu'ils ont tous des bons éléments, donc et tous un assez bon collectif qui paye depuis le début de la compétition. On passe au deuxième match, Espagne-Paraguay. Un match facile d'après vous pour l'Espagne? une place quasiment déjà en demi pour la Roya, ou d'après vous, la décision peut se faire attendre? Le Paraguay est passé contre le Japon un peu ou beaucoup avec de la chance, et c'est dommage parce que les sélections asiatiques étaient bonnes. Le Paraguay, pour moi, ne va pas être très inquiétant, mais je ne suis pas persuadé, moi, par cette équipe du Paraguay. Alors beaucoup disent qu'il faut regarder, etc. Moi, je ne suis pas persuadé. Même si l'Espagne, je trouve, n'est pas du tout comme on l'attendait. Le jeu en équipe fonctionne, mais il n'y a aucune percussion. Ils ont malheureusement qu'un véritable attaquant qui est en très bonne forme et qui est sûrement un des meilleurs du monde, c'est Villa. On l'a vu encore contre le Portugal. Mais ça va être le Paraguay, donc ça a l'air quand même plus faible que la sélection de Cristiano Ronaldo. On verra bien, mais moi je pense que l'Espagne va s'en sortir sans trop de soucis. Moi je pense que ça va être un petit peu le même genre de match que face au Portugal, effectivement, à savoir une équipe qui défend en bloc comme ils l'ont fait quasiment pendant tout le tournoi, c'est-à-dire le Paraguay, et puis l'Espagne qui va jouer son jeu, qui va tenter d'attaquer, de contourner, qui va être patient pour essayer de trouver une faille dans la défense. Et je pense que ça va être vraiment le même type de match que face au Portugal. Et probablement, comme l'a dit Baptiste, ça sera aussi l'adversaire sera probablement plus faible que ce qu'a pu être les Lusitaniens. Et d'ailleurs, le Paraguay qui a quand même eu un tirage assez facile. Le groupe sur lequel il tombe, le plus gros adversaire est censé être l'Italie qui a beaucoup déçu dans cette Coupe du Monde. Donc bon, ils s'en sont bien sortis pour l'instant. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un moment où la belle aventure va s'arrêter, et sûrement face à l'Espagne. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler quand même deux secondes de Torres? Qui est vraiment pas à sa place dans cette Coupe du Monde, qui arrive absolument pas. Il est obligé, enfin je sais plus contre qui, si vous pouvez me rappeler, il fait une énorme simulation qui amène un carton rouge un moment. Je n'ai pas de souvenir particulier, je sais qu'il y a eu cette histoire-là. Non, mais pour revenir sur Torres, il est complètement à côté de la plaque, mais c'est pas très étonnant. Vu ce qu'il a fait avec Liverpool, il a été blessé. On l'a fait jouer étant blessé à Liverpool parce que c'était tellement la catastrophe en Angleterre et que Benitez était prêt à tout. Et il paye maintenant là, une saison où il a été très en difficulté. Le problème, c'est que moi, je le voyais justement plutôt surprendre sur cette Coupe du Monde parce qu'il joue son avenir. Il joue son avenir parce que je pense qu'il ne va pas rester à Liverpool. Il est annoncé dans plusieurs clubs, donc je le voyais faire de meilleures performances. Il sort, je crois qu'il sort contre le Chili. On l'a vu après avec une poche de glace, donc c'est toujours assez inquiétant. Il fait la tête et on comprend pourquoi. Parce que, si vous vous rappelez bien, Espagne-Allemagne en finale de l'Euro 2008, c'est Torres qui donne la victoire. C'est Torres qui, souvent, est l'élément. Maintenant, ils ont Villa, et Villa est vraiment le meilleur. Pour moi, pour l'instant, le meilleur attaquant de cette Coupe du Monde, voire le meilleur joueur. Donc, attention, peut-être que Villa peut jouer le rôle de deux attaquants, vu la forme qu'il a en ce moment. Villa qui est d'ailleurs... Je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que Torres, effectivement, depuis le début de la compétition, on ne le voit pas, quasiment pas. Il touche une dizaine de ballons par match. Il fait moitié moins de kilomètres que ses coéquipiers, il fait très peu d'appels de balles, il a très peu d'occasions, toutes les occasions qu'il a, il les loupe, il tire toujours à côté. C'est pas le Torres qu'on connaît, c'est pas le Torres qu'on a eu l'habitude de voir en 2008, et c'est vrai qu'il a été souvent blessé cette saison, et que forcément, à un moment donné, il doit pas avoir la préparation physique adéquate. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que Del Bosque continue à le maintenir, malgré tout. Alors que tout le monde voit qu'il est totalement hors du coup, à l'image un peu de ce qu'a fait Anelka avec la France, quoi. Il n'y a pas un match, en fait, depuis le début de la Coupe du Monde où il a prouvé quelque chose. À chaque fois, la star, ça a été Villa, etc. Alors, Arnaud, tu me parles... Et j'ajouterais qu'à chaque fois, son remplaçant a brillé à sa place. Alors, Arnaud, quand on a parlé un peu de Torres ensemble avant, tu m'as dit qu'on pouvait même, d'après toi, élargir un syndrome anglais, en fait. Car... Ouais, effectivement, c'est-à-dire que... On voit que depuis le début de la compétition, il y a très très peu de joueurs qui évoluent en Angleterre, qui brillent, voire même aucun. Et c'est un petit peu inquiétant, on va dire, pas forcément pour la Coupe du Monde, parce qu'elle s'en sort très bien sans, mais pour le football anglais, parce qu'on voit que effectivement les joueurs arrivent à cette Coupe du Monde totalement hors de forme. Je pense aux stars anglaises, Rooney, qui était totalement absent, Anelka aussi... Qui était totalement hors du coup. On ne voit pas vraiment de stars anglaises à briller. Et la preuve est que tous les joueurs de Chelsea ont été éliminés déjà. Et il y en a des internationaux à Chelsea. Oui, c'est sûr. Donc justement, peut-être qu'ils se dépensent trop en championnat et que quand arrivent les grandes compétitions internationales, bah, ils ont presque plus rien à donner, quoi. Il y en a un qui joue en Angleterre qu'on n'a pas encore vu, c'est Fabregas. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il se prépare, lui, pour le reste, comme s'il avait déjà prévu que bon, son équipe va aller jusqu'en... Enfin, ils vont aller en demi, ça c'est sûr, donc le mec attend de rentrer en demi et de commencer sa Coupe du Monde. Ouais, je suis pas sûr qu'il va rentrer véritablement en Fabregas, parce que... On l'a vu faire que quelques bribes de match et il n'a pas été transcendant à chaque entrée, quoi. Le truc, c'est que l'Espagne a un collectif déjà au milieu hyper rodé avec Xavi et Xabi Alonso. Mmh. Et je vois pas pourquoi Del Bosque mettrait Fabregas juste pour les demi-finales ou pour même les quarts de finale. Là, ça me paraît très étonnant quand même. Pour revenir à ton syndrome, les causes seraient un championnat anglais trop intense, trop physique. J'ai pas vraiment les causes en tête. Ça peut être aussi la préparation d'avant-saison qui fait que les joueurs à la fin du mois de mai ils en peuvent plus. Ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. Je sais pas. J'ai pas exactement les causes. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en Angleterre qui sont arrivés à la Coupe du Monde. Soit ils étaient blessés juste avant, soit ils se sont blessés juste avant la Coupe du Monde. Ouais, ils ont déclaré forfait donc. Il y a Drogba, on a dit donc Torres, il y a Balak. Balak aussi. Balak, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de cas similaires. Ouais, et je pense pas que ça soit une coïncidence. Ça me paraît très étonnant que ça soit une coïncidence. Mais les causes me paraissent un peu obscures parce que si c'est l'intensité du championnat et la demande physique que ça impose, bah, ça veut dire qu'il y a un problème de préparation physique. Ouais. Exactement. Et donc ça serait peut-être à revoir, notamment pour les prochaines compétitions internationales. Au niveau du gardien espagnol Casillas, donc en 2008, il est déconsidéré largement comme le meilleur gardien du monde, notamment après le sacre de la Roya sur le toit de l'Europe. Aujourd'hui, il a l'air de moins en moins pas concurrent, mais comment dire, de moins en moins sûr de lui dans ce match. Est-ce que d'après vous, il a encore sa place en tant que titulaire indiscutable? Parce que Del Bosque a pour l'instant pas du tout l'impression, enfin. L'envie de mettre à sa place Reina ou par exemple Victor Valdés, qu'est-ce par exemple Alors, Baptiste ou sa William. Place, oui, clairement, parce que il n'y a pas vraiment de candidat à ce poste, à part éventuellement Reina qui est, on va dire, un petit peu plus proche de Casillas que Ney Valdés. C'est vrai qu'il est très, très, très fébrile depuis le début de la compétition. Il a beaucoup de mal à garder un ballon. Dans ses sorties aériennes, il est très approximatif. Et c'est vraiment pour moi le point faible de l'équipe espagnole cette année avec Torres. En même temps, on a fait une affaire d'État au pays, hein, parce qu'on parle de sa petite copine qui est journaliste et qui est sur le terrain, que ça pourrait le déranger ou quoi. Enfin, tout un truc autour de Casillas, alors que même s'il ne fait pas une saison fantastique, pour l'instant, il tient la baraque en attendant. Quoi. Ouais. Il a une très très bonne défense devant lui aussi, avec Puyol et... Ouais. Et piquer, ça aide beaucoup quand même. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a eu une intervention, notamment contre le Portugal, c'était flagrant. Il donnait pas. C'est plus le Casillas de 2008, quoi. Non, c'est clairement, c'est plus le meilleur gardien du monde, ça, c'est une certitude. Bon, pour terminer, un pronostic sur ce match, l'Espagne passe pour vous deux, j'imagine. Ouais, l'Espagne passe, mais ça sera un petit peu comme le match du Portugal, c'est-à-dire qu'ils vont pousser pendant une heure et puis au bout d'un moment. Ça va passer grâce peut-être à un exploit de David Villa, effectivement, parce qu'il est en grande forme ou sur une grosse frappe de Xabi Alonso, je ne sais pas. Mais il y aura forcément un moment donné le déclic qui va permettre de débloquer la situation. Et je vois pas comme je ne vois pas le Portugal marquer, Paraguay, ça Paraguay. Finira avec 1-0 ou 2-0. Le Paraguay. Le Paraguay, pas oui, le Paraguay. Mais je ne vois pas l'Espagne mettre beaucoup de buts. C'est ça qui me dérange un peu dans cette Coupe du Monde, c'est qu'on les attendait super efficaces. Et prolifiques, et en fait, ils sont toujours à la limite. Donc, je pense que... C'est lié à l'adversaire aussi. Hein. Pardon ? C'est lié à l'adversaire oui, aussi. Oui, un adversaire qui leur laisse moins faire le jeu qu'on est... Bah, contre le Chili, je ne suis pas non plus persuadé que quand tu gagnes 2-1, tu dois être forcément très content. Surtout qu'ils terminent le match à 11 contre 10. Voilà, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas l'Espagne qu'on nous a annoncé. Le problème, c'est qu'on gonfle une Espagne... l'Espagne vraiment un rouleau compresseur qui va gagner la Coupe du Monde. Les Danes vainqueurs, on n'a pas fait attention, il y a l'Argentine, le Brésil et l'Allemagne qui peut venir aussi jouer les troubles faites, et pourquoi pas le Ghana ou l'Uruguay. Donc une victoire de l'Argentine, mais sur un score qui ne sera pas forcément... Victoire de l'Espagne, victoire de l'Espagne. Oui, de l'Espagne, de l'Espagne. Bon, le podcast touche à sa fin, je vous remercie tous les deux. Donc Arnaud, on le rappelle, ton site footballdatabase.eu, un site de données sur le football. Merci beaucoup pour ta deuxième intervention dans ce podcast et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Baptiste, à demain, on viendra sûrement sur les matchs d'aujourd'hui entre le Pays-Bas notamment et le Brésil et l'Uruguay et le Ghana. Donc à demain Baptiste et merci encore pour ta participation. À demain, merci à toi. Au revoir à tous et donc rendez-vous demain pour un nouveau podcast pour Football Rights spécial Coupe du Monde qui sera donc demain si vous avez bien suivi le 14e. Au revoir à tous.